Gorillaz, nouvel album Cracker Island. Le quatuor virtuel mené par Damon Albarn s'entoure de featuring d'exception sur un 8e album exaltant et optimiste. Gorillaz, nouvel album disponible dès maintenant. Oui, salut Blockbuster, c'est un ado de 15 ans. Merci pour votre émission sur SNK. C'était vraiment bien d'entendre de temps en temps des émissions sur des mangas ou des jeux vidéo. Donc merci Frédéric et à une prochaine fois pour une autre émission sur un manga. Merci. Je t'appelle, c'est par rapport à au choc des Titans. Alors c'est chouette, mais alors qu'est-ce qu'il y a des tunnels, donc c'est le grand-père qui a dit au chien, le père s'est barré, la mère qui trime. Enfin bref, à part ça, j'ai acheté de l'antilimace parce que c'est tellement de lenteur. Mais par contre, c'est chouette. Mais qu'est-ce que c'est long. Allez, salut. Bonjour Blockbuster, je voulais vous appeler parce que ça me ferait beaucoup plaisir que vous fassiez un Blockbuster sur la série animée française Wokfu. Allez, bisous, j'adore vos vidéos et je vous écoute tous les jours. Oui, coucou Blockbuster. Écoute, je voulais te passer un petit mea culpa parce que dans mon dernier message, je disais comment j'étais passé à côté de votre émission. Et en fait, c'est quand même grâce à ma chérie que j'ai découvert votre émission et que je suis devenu totalement accro. Et là, j'ai vu que vous faisiez le prochain Blockbuster sur Starmania. On est super fans. Alors, quand tout le monde part tranquille, dans les banlieues d'Artois, à bientôt. To be or not to be, not to be. Je vous ai parlé du cousin de ma femme. Ah, je sais, vous avez autre chose à faire que m'entendre parler du cousin de ma femme. Mais vu le temps que vous passez sur vos téléphones, sincèrement, m'entendre parler de ma famille, c'est pas le truc le plus inutile que vous entendrez de cette journée. Donc le cousin de ma femme, je disais, il s'appelle Vincent. C'est un garçon charmant, gentil, passionné par l'escalade, la vie en plein air et la rénovation de vieilles maisons. Hugo Clément, mais sans le côté quotidien Yann Barthès agaçant. Vincent est ingénieur lumière. Il bosse sur des spectacles énormes dans des zéniths ou des salles de 7000 places. À 6950 places près, ça pourrait être mon régisseur lumière. Bref, il y a quelques mois, il nous envoie un petit message. « Coucou, je suis sur Paris, je bosse sur un spectacle à la scène musicale, je sais que vous êtes très pris et je suis pas sûr que ce soit votre tasse de thé, mais je peux vous avoir des invites. » Mauvaise langue comme je suis, je dis à ma femme que s'il a des invites, ça doit pas être bien terrible. Encore un spectacle parisien qui a du mal à remplir. Le spectacle en question, c'était Starmania, mis en scène par Thomas Joly. Et là, la claque. Des chansons que je connaissais sans les connaître, une histoire tellement plus forte que ce que j'en savais, et ces lumières, oh là là, ces lumières. On dit souvent que les artistes enfilent leur habit de lumière, des fois c'est bien aussi de connaître le nom de leur couturier. Eh bien, il y en a un, qui s'appelle Vincent, et vous savez quoi? C'est le cousin de ma femme. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. En 1978, Michel Berger et Luc Plamondon, deux génies de la musique, s'associent pour créer une œuvre visionnaire, un opéra rock franco-québécois qui, 44 ans plus tard, continue d'impressionner public et critique par la qualité de ses tubes, mais aussi par la clairvoyance de son histoire. Starmania est non seulement un monument de la chanson francophone, mais c'est aussi, même si on l'évoque beaucoup moins, une œuvre de science-fiction qui résonne encore particulièrement avec notre époque. Pour retracer l'histoire et les différentes versions de cet opéra rock, j'ai évidemment avec moi Julien Baldacchino, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Inter, co-animateur d'un podcast brillant autour des comédies musicales, amateur de chanteurs dont le prénom est Michel. Tout cela est vrai. Avec nous également, et on est ravis, François Alki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez officié sur RTL, RMC, vous êtes spécialiste de la chanson française et auteur de l'excellent livre L'Aventure Starmania, et entre autres ouvrages, notamment sur Michel Berger et Daniel Balavoine. Exact. Les présentations sont faites, allez, on file pour Monopolis. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste. Un extrait du blues du Businessman dans la version Starmania 88 chantée par Richard Gros. Julien Baldacchino, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour l'auditeur néophyte, oui, il doit en exister quelques-uns en France, qui ne connaîtraient pas Starmania, ça parle de quoi ? Alors Starmania, c'est pas du tout une histoire évidente, c'est une histoire qui se passe déjà dans un lieu qui n'existe pas, qui s'appelle Monopolis, qui est la capitale de l'Occident, dans un monde vaguement futuriste, pas très bien situé dans le temps. Et à Monopolis, il y a une campagne électorale pour élire le président de l'Occident. Donc, il y a deux candidats, 0 janvier, qui est un businessman constructeur de gratte-ciel qui décide de se lancer en politique. Et face à lui, le gourou marabout qui lui prône plutôt des valeurs écologistes. Et là-dessus, il y a une petite bande de zonards qui est animée par un type qui s'appelle Johnny Roquefort, qui a vaguement cette idée de mettre la pagaille un petit peu, qui est reprise en main par un personnage qui s'appelle Sadia, qui vient mettre de l'idéologie là-dedans et qui décide de faire en fait de cet engagement-là quelque chose de politique. Là-dessus, ils ont un plan, ils vont se faire connaître dans les médias, ils vont participer à une émission qui s'appelle Starmania et enlever la présentatrice vedette de Starmania qui s'appelle Crystal. Tout ça se fait en partie dans un lieu qui s'appelle l'Underground Café, qui est un café souterrain, où la serveuse Marie-Jeanne regarde ça d'un air un peu contemplatif. Elle est très amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Ziggy, qui ne l'aimera jamais parce que Ziggy préfère les garçons. Et là-dessus, il y a aussi toute une réflexion sur le star system, puisqu'il y a un autre personnage qui s'appelle Stella Spotlight, qui est une actrice un petit peu sur la descente, sur la décadence, qui va se trouver une sorte de seconde jeunesse en défilant au bras de 0 janvier, dont elle va petit à petit aussi découvrir les aspirations politiques. Voilà, il y a plein de personnages. Tout est dit. Et c'est assez compliqué finalement à raconter. François Alquier, à quoi ressemblait le paysage musical français à l'apparition de Starmania ? Oh ben, ça ressemblait à... la scène musicale était plus variété, puisqu'il y avait Véronique Sanson, il y avait William Scheller, il y avait donc Michel Berger aussi, hein, qui commençait déjà à chanter, à avoir un petit peu de succès avant Starmania, mais pas encore beaucoup. Je crois que c'est Starmania quand même qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu, c'est-à-dire un grand compositeur. Là, je ne parle pas de l'auteur, puisque c'est Plamondon qui a fait, qui a écrit les paroles. Mais c'était plutôt, on sortait du côté kitsch, en fait. Claude François, Mike Brandt, tout ça, on sortait de ça pour arriver vers des auteurs de talent. Philippe Chatal, enfin, des paroliers, quoi. C'était plus bling-bling. Oui, il y avait quelque chose où on mettait plus de fond, on était plus sur le fond que sur la forme. Oui, oui, c'était moins, j'allais dire visuel, mais parce qu'ils avaient des costumes un peu particuliers, ils dansaient, enfin, cette nouvelle génération, Yves Simon et compagnie, et Francis Cabrel, c'était pas des gens comme ça, eux, ils chantaient point devant un micro. Et c'était vraiment bouleversant et fabuleux. Et quel genre d'homme était Michel Berger ? Parce que j'ai le souvenir de certaines interviews qu'il donnait à la télévision. Et à chaque fois qu'on le voyait, c'était quelqu'un d'assez doux, d'assez timide, d'assez posé. C'est exactement comme ça que je le vois. Doux, timide, mais quand même avec une forte personnalité. Parce que je rappelle qu'à l'âge de 16 ans, il était quand même déjà directeur artistique de chez Warner, sous la houlette de Bernard Bosson, qui était un grand patron de l'époque, et je pense qu'on en parlera encore, parce que Starmania, sans Bernard de Bosson, n'aurait pas eu lieu. Là, c'était quelqu'un, la force tranquille, voilà, pour reprendre un slogan qu'on connaît bien. Et, voilà, et persuasif, en fait, en plus. Julien Baldacchino, alors je connais votre amour pour les différents Michel. On va rester sur Michel Berger aujourd'hui, on est d'accord ? Pas de problème, je m'y tiens. Et donc, comment s'est passée votre rencontre avec Michel Berger et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans sa musique ? Voilà, la rencontre avec Michel Berger, elle est passée par Starmania. J'ai découvert Starmania à l'âge de 5-6 ans, sans exagérer. Et c'est comme ça que je me suis ouvert à la musique de Michel Berger qui passait par ailleurs à la radio, qui passait chez mes parents, les radios de chansons françaises qu'on entendait. Donc ça baignait, mais je m'y étais jamais intéressé, au point auquel je me suis intéressé quand j'ai commencé à découvrir Starmania, à découvrir au-delà des chansons ce que c'était, c'est-à-dire une œuvre complète qui dure, selon les versions, entre 1h45 et 2h30, avec une vraie recherche musicale. Et quand j'ai commencé par ailleurs à faire de la musique, à faire du piano. Je me suis rendu compte que Michel Berger avait été un grand pianiste aussi, qui composait au piano. Et moi, c'est ce qui me touche dans la musique de Michel Berger, c'est à la fois cet aspect de recherche. Il y a des choses qui sont complexe dans la musique de Michel Berger. Si vous prenez le début de Starmania, le premier morceau, l'ouverture, ça change de rythme tout le temps, c'est très très complexe et en même temps, c'est populaire, c'est facile à mémoriser, les chansons, elles restent dans la mémoire et je trouve que voilà, Michel Berger, il est vraiment à l'exact milieu, à l'exact équilibre entre la complexité de la composition musicale. C'est aussi quelqu'un qui vient de la musique classique, il a fait des études de musique classique, sa mère était une pianiste classique, et la chanson populaire et le rock, il avait des envies de rock, il avait des envies de musique américaine, et c'est vraiment l'équilibre parfait entre ça. Et les parents de Michel Berger, justement, parlons-en, parce que on sait qu'il est issu d'un milieu plutôt bourgeois, avec une éducation assez classique. Il vous voyait ses parents, et donc justement le contraste avec cette envie d'opéra rock et puis quelque chose d'aussi d'un peu âpre, parce que Starmania, quelle que soit la version, ça a toujours été quelque chose de très urbain, de très industriel. Comment on explique cette dichotomie chez Michel Berger? Il avait peut-être besoin de sortir de cette bourgeoisie qui l'a envahi toute sa vie, finalement. Starmania, vous avez raison, c'est âpre, c'est même très violent au niveau des paroles. Et Michel Berger était curieusement exactement le contraire. Donc je pense qu'il avait besoin de sortir des choses, je pense que Julien sera d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est l'antithèse de ce qu'il est, Starmania. Il raconte effectivement qu'il avait une violence enfouie en lui, qu'il avait besoin de sortir par une façon ou par une autre. Je pense que la façon qu'il a eue, et qui était une bonne idée, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'Atlantique pour l'aider à accoucher de cette idée, de cette violence. Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'il avait tenté déjà de faire cette comédie musicale, cette opéra rock, pardon, tout seul. Et France Gall, en lisant les paroles, dit « Mais c'est pas possible, il n'y a aucune violence, tu es incapable de faire ça. » Et c'est France Gall qui a fait écouter un disque de Diane Dufresne composé entièrement par Luc Plamondon. Et ils sont tombés tous les deux raides dingues de la façon d'écrire. Chanteuse québécoise. Oui, pardon, pour moi c'est tellement évident, mais vous avez raison de préciser. Et justement, il y avait cette violence que Michel Berger était incapable de reproduire, lui, avec les mots. Il y a un fait divers à la base qui a inspiré Michel Berger, celui de Patty Hearst. Oui, c'est ça, c'est la fille d'un magnat de la presse, ça raconte presque ça, hein, Starmania, elle s'est fait enlever, puis comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, elle est devenue, elle aussi, comment on peut appeler ça Anticapitaliste, révolutionnaire. Elle a même dévalisé des banques, enfin c'est fou quoi. Et donc la base de Starmania, c'était de raconter l'histoire de Patty Hearst. Et puis Luc Plamondon a dit « Non, mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas faire un opéra rock. » Donc, il a rajouté des choses à lui. Et ce Luc Plamondon, justement, qui, lui, est aux antipodes de Michel Berger, il est issu d'un autre milieu social, déjà d'un autre pays, d'une autre culture, mais fils de paysan, c'est comme ça que j'ai lu, hein, vous m'affirmez si jamais... C'est ça, c'est pas le même milieu social, c'est quelqu'un qui est considéré, lui, comme un jeune auteur beaucoup plus subversif, qui va écrire des textes beaucoup plus forts, qui a aussi cette culture américaine, et c'est ça aussi que Michel Berger va chercher, il va chercher des gens qui écrivent en français, comme écriraient des Américains. Ils cherchent un petit peu ce double jeu-là de la culture américaine avec la langue française. Et Plamondon, tout à fait, il fait partie d'une jeune génération québécoise qui n'est pas le même type de jeune génération que la jeune génération française, qui va être beaucoup plus presque dans un post-hippie, plus subversif. Et Diane Dufresne, pour qui Plamondon a beaucoup écrit avant et après Starmania, elle est très symbolique de ça. Elle chante des chansons qui sont à elles-mêmes des petits opéras très puissants et très forts. Et évidemment, c'est facile, c'est quand on résume un opéra rock, de dire en une phrase, voilà, Michel Berger rencontre Luc Plamondon, ils écrivent Starmania. Mais dans les faits, ces deux individus qui ne se connaissent pas, pas intimement, qui se retrouvent à travailler pendant plusieurs mois ensemble, ça veut dire une proximité, des habitudes de travail qui sont différentes. Comment s'est passée cette cohabitation? Parce que Luc Plamondon dit lui-même que lui, il aime bien se promener, il aime bien manger, boire, alors que Michel Berger, il a un côté très très concentré, faut pas perdre de temps. Bon, Julien connaît l'histoire, mais ils se sont enfermés pendant deux mois dans une villa dans le sud de la France, vraiment pour composer et écrire Starmania. Seulement, effectivement, comme vous venez de le dire, Luc Plamondon, c'était un oisif, presque. Il travaillait quand il travaillait. Bon, il y a une anecdote qui est assez connue, mais je la répète parce que tout le monde la connaît peut-être pas. Mais il a dû enfermer, Michel Berger a dû enfermer Luc Plamondon pour enfermer, c'était là dans une... pas dans une chambre, je crois que c'était une chambre d'ailleurs, pour qu'il puisse composer, quoi. Pour qu'il puisse, écrire des textes. Et c'était la seule façon pour diriger Luc Plamondon. Il fallait être dur, quoi. C'est marrant parce que ils sont vraiment différents, mais ultra complémentaires. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé. Parce qu'après, il y a eu une deuxième comédie musicale. Je pense que c'est ça la solution pour sortir une belle œuvre. C'est de ne pas se ressembler, mais d'être complémentaire. Et pour moi, Plamondon Berger, c'est vraiment l'exemple absolu d'une réussite. Julien Balekhino, il y a cette complémentarité jusque dans le fait que c'est Michel Berger qui va fouiller dans les brouillons de Plamondon et prendre des bribes de choses dont Plamondon n'est pas particulièrement content lui-même en disant mais ça en fait ça fait une bonne chanson. Il l'amène au piano, il fait une mélodie dessus et ça donne des choses comme Le Monde est Stone ou comme Les uns contre les autres. Ouais. Voilà, l'histoire de cette chanson, c'est une chanson qui est miraculée. Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais il y a une version qui raconte qu'il est vraiment allé chercher le texte dans la poubelle, parce que c'était un brouillon jeté. D'ailleurs, cette fameuse poubelle, en lisant le livre L'Aventure Starmania, on la retrouve très souvent. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres interprètes qui, au bout d'un moment, ont dit oui, c'était une des chansons que Luc Plamondon avait jetée dans la poubelle, comme s'il avait ses traits de génie, mais qu'il était incapable de vraiment se dire bah tiens, celle-ci, ça fait un bon morceau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je pense qu'on n'est pas objectif de son propre travail, donc il fallait que les uns et les autres le rassurent aussi, parce que je pense que Plamondon quand même n'était pas quelqu'un de sûr de lui malgré tout. Donc voilà. Et pour en revenir aux uns contre les uns contre les autres, cette chanson, elle a aussi une petite histoire. C'est que personne voulait la chanter. Elle était initialement pour Diane Dufresne. Tu confirmes, Julien, si je me trompe? Je confirme. Et puis, elle n'a pas voulu parce qu'elle estimait que c'était trop slow et elle ne chante pas des slow. Il faut préciser qu'elle, c'était déjà une star... Ah, c'est une star au Québec. Mais, alors, on va peut-être un petit peu vite parce que si j'ai bien suivi l'histoire et la genèse de Starmania, pendant très longtemps, pour Michel Berger comme pour Luc Plamondon, il était hors de question de confier des rôles à France Gall et Diane Dufresne, qui avaient déjà des statuts de vedettes dans leurs pays respectifs. Et donc, comment on en est arrivé à avoir dans la première version Diane Dufresne et France Gall? Eh bien, parce qu'il faut vendre des disques, et que sans tête d'affiche, c'est difficile de vendre des disques. Donc, au début, ils vont chercher des jeunes artistes peu ou pas connus, donc qui vont être Fabienne Thibault, qui vient du Québec, Claude Dubois aussi, qui vient du Québec, quelqu'un qui s'appelle Éric Estève, qui va jouer un rôle dans le premier disque. Voilà, ils composent comme ça, ils se disent, mais on n'a pas de tête d'affiche. Et ils s'obstinent très longtemps à ne pas demander ni à Diane Dufresne, ni à France Gall de venir chanter. Et Michel Berger est déjà en couple avec France Gall. Michel Berger est en couple avec France Gall. C'est le duo star de la chanson française, même si à ce moment-là, Berger n'a pas encore eu ses propres grands succès. Mais la carrière de France Gall a déjà sa grande deuxième période à partir du milieu des années 70 avec les chansons écrites par Berger. Donc ils ne veulent pas que France Gall et Diane Dufresne soient dans Starmania. Et puis ça va finir par s'imposer et à la fin arrivent des chansons comme Besoin d'amour qui est écrite après les autres pour intégrer France Gall à l'album original de Starmania. Et donc revenons à Diane Dufresne, donc elle refuse, elle trouve que c'est un slow trop mièvre pour elle. Oui, alors qu'elle en chante plein dans Starmania en fait, elle chante que des slows, c'est ça qui est assez paradoxal. Mais Diane Dufresne était quelqu'un quand même un peu, comment dire, avec un caractère particulier, hein. Elle faisait ce qu'elle voulait en fait, c'était déjà une diva à l'époque. Au Québec, c'est vraiment une grande star. Donc elle s'est comportée un petit peu en star, même pendant la première version de Starmania, ce qui a fait que... Alors, il y avait de toute façon un problème culturel, puisqu'il y avait des gens qui venaient avec une culture américaine, et les Français qui voulaient manger à leur pile, à midi 5, s'ils n'étaient pas en train de manger, ça gueulait. Et les Nord-Américains, ils comprenaient pas ce système-là, quoi. Donc il y a eu des confrontations entre artistes, entre... Enfin voilà. Oui, il y a notamment une anecdote entre Daniel Balavoine, qui lui aussi avait un caractère extrêmement fort, et Diane Dufresne, où elles se sont dit respectivement que... Oui, mais c'était une cour de récré, quoi. C'est moi qui ai une plus belle voix que toi, quoi. Enfin, c'était complètement ridicule. Bah, vous chantez mal, vous les Français. Ouais, c'est ça. Vous la racontez, vous les Québécois. Ouais, alors, ça me paraît bizarre quand même, mais bon, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est que même Daniel Balavoine avait pleuré un jour. Ah, c'est Fabienne Thibault qui m'a raconté ça. Et que, bon, Fabienne Thibault a dû aller le consoler, quoi. Parce que Fabienne Thibault, elle, c'était la plus calme de tous les Québécois, en fait. Et c'est finalement elle, d'ailleurs, qui a accepté de chanter les uns contre les autres, que personne ne voulait chanter. Ouais. Elle était, je crois, le soir de leur enregistrement, assise au fond du studio, dans un canapé. Personne ne veut chanter cette chanson. Et puis elle dit, bah, pourquoi je le ferais pas, moi? Et elle vient, elle s'installe au micro, et ça donne la chanson qu'on connaît les uns contre les autres, qui a été le premier grand succès issu de l'album Starmania. C'est grâce au succès des uns contre les autres que le reste de l'album et ensuite le spectacle a pu décoller. Et quand j'ai vu le spectacle dans la mise en scène de Thomas Joly, parce que, je le répète, je faisais partie de ces auditeurs qui connaissaient quasiment toutes les chansons de Starmania sans même savoir que c'était dans le même spectacle. Alors, évidemment, là, les plus âgés vont dire « Oh, mais c'est pas possible, cette jeunesse, il faut te leur apprendre », etc. Bah oui, il faut bien commencer à un moment donné. Et quand j'ai vu le spectacle dans sa continuité, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'évocation de ces travailleurs souterrains, l'émergence de la société médiatique et l'évocation du terrorisme telle qu'elle est montrée dans Starmania. Qui a été à l'origine de cette envie de mettre en lumière des sujets qui ne sont vraiment pas faciles, même encore aujourd'hui, et encore plus dans un opéra rock? Alors, je ne sais pas qui a commencé à évoquer quoi. Je ne sais pas si Julien, toi, tu le sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Luc Plamondon, quand même, et de Michel Berger. Je pense que ça doit être l'équivalent, parce que finalement, ils ont dû beaucoup parler avant d'écrire et de composer. Ils ont dû je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si Julien, tu as une réponse meilleure. Le point de départ, c'est ce fait divers dont on a parlé, qui lui-même déjà a en lui toute la partie médiatique dans l'histoire de Patrick. Ça va même plus loin que ce qu'on raconte dans Starmania. L'assaut de la police américaine contre les ravisseurs de Patricia Hearst dure plusieurs heures et est diffusé en direct à la télé américaine. On est dans les années 70. Mm. Les chaînes d'infos n'existent pas, en France encore moins. Et pourtant, il y a déjà cette dimension-là. Donc il y a déjà des choses dans le projet initial de Michel Berger, et Luc Plamondon qui va dire « On peut pas se contenter de raconter cette histoire-là, faut qu'on rajoute une dose d'universalité là-dedans, de choses qui vont parler à tout le monde », va venir rajouter des thèmes qui vont être les thèmes du mal-être, les thèmes du genre, les thèmes de l'amour impossible, et toutes ces choses-là mêlées vont donner ce cocktail qu'est Starmania. Et toujours dans la concrétisation de cet opéra rock, j'ai vu que dans les sessions de travail avec Michel Berger, il y avait des moments où il était tellement concentré que même quand il s'accordait des temps de pause, genre dans la piscine, on va penser à autre chose, il n'était pas capable de rester plus de 5 minutes dans la piscine parce qu'il ressortait, parce qu'il avait eu une idée de mélodie qu'il lui fallait coucher sur le papier directement. Ah ben Michel Berger, sa vie c'était la musique. Et il ne voulait rien perdre de son inspiration dès qu'il avait une idée. Donc effectivement, il y a une anecdote qui, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais on me l'a raconté aussi, il est dans une piscine et puis tout à coup il a une idée, donc il part vite l'écrire, quoi. Mais c'était quelqu'un qui vivait que pour la musique. D'ailleurs, toutes ces chansons, hormis Starmania, parlaient beaucoup de musique. C'est pas pour rien, quoi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Starmania parce que ça évoque des événements. On dit que c'est prophétique. Parce qu'on parle des attentats, le genre, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, on n'en parlait pas du tout, l'homosexualité dans une comédie musicale, c'était quand même... Mais moi, j'ai une théorie sur le fait que Je pense que Luc Plamondon a évoqué des sujets qui existaient déjà, parce que le terrorisme, il y avait la bande à Bader, il y en avait d'autres. Et je pense qu'il a levé le curseur. En fait, il a exagéré tout et c'est devenu le monde d'aujourd'hui. Je sais pas, moi je vois ça comme oui, ça. Oui, il a extrapolé sur une situation qui était déjà existante en prémisse. Non, parce qu'on dit, beaucoup que c'est visionnaire, mais moi je trouve pas que ça soit visionnaire. Je trouve que voilà, il a accéléré le processus et puis ça donne le monde d'aujourd'hui, quoi. Et il y a notamment un personnage qui m'a particulièrement marqué dans le portrait qui en est fait. C'est évidemment cette star, qui c'était la Spotlight, qui va ensuite se mettre en couple avec Zéro Janvier. Et en fait, je trouve que par rapport au grand débat qui agite le féminisme aujourd'hui, l'ère post-MeToo, Marilyn Monroe, dont on a déconstruit le mythe, il y a même eu un film qui a défrayé la chronique, Blonde, avec Anna de Armas qui reprend le rôle de Marilyn Monroe et qui montre à quel point... effectivement, son existence a pu être chahutée par le regard des hommes. Et il y a cette chanson, écrite en 1978, Les adieux d'un sexe symbole. Donc là, on va l'écouter. C'est la version de Sabrina Lori, dans la version de 88, parce que je trouve qu'elle elle apporte quelque chose par rapport à Diane Dufresne. C'était très bien, Diane Dufresne, mais... Voilà, c'est mon émission, je fais ce que je veux. J'ai choisi Sabrina Lori. Et écoutons les paroles et on en parle ensuite. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir. Personne ne s'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolor. Qui rêvait d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Je suis la vieille école. Quand je fume du hash, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits, je rêve qu'on me viole. Comme une image divine qu'on adore et qu'on a dû, une image de magazine sur qui on éjacule. Venez voir mourir. raté ma sortie. J'ai raté ma vie. Je ne veux pas rater ma goodbye party. Goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine. Laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir avant. En Les adieux d'un sex-symbole chanté par Sabrina Lori dans la version de Starmania 1988. Julien Baldacchino, c'est des paroles de fou. Mais oui, et c'est des paroles de fou aujourd'hui vues de 2023. Quand ça sort en 1978, personne n'a écrit ça, ou presque personne. Personne ne raconte ça, ne raconte ce que c'est que d'être une actrice qui a 40 ans. C'est pas une vieillarde, hein, c'était la Spotlight, elle a 40-45 ans. Et elle se voit déjà dépérir, elle se voit à travers le regard des autres, le regard qu'on peut avoir sur une personnalité publique, et elle et le surtout dit. Le regard des hommes, parce et que le regard des une hommes. Image divine que l'on adule, sur laquelle on éjacule, enfin, même les rappeurs aujourd'hui, alors justement, c'est souvent des garçons qui chantent, mais ils avoir disent pas ça. Ils disent pas ça, quoi. Non, non. Il y a une force dans ce texte. Toutes les phrases de ce texte résonnent aujourd'hui avec une puissance. Quand elle dit « j'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit », c'est une phrase qui aujourd'hui, dans une ère post-MeToo, où la question des actrices, la question de l'âge auquel on peut jouer un rôle, toutes ces questions-là, elles sont hyper présentes aujourd'hui. Pour moi, c'est une des facettes les plus actuelles de Starmania. Et d'ailleurs, dans la version de 2022-2023, le personnage de Stella Spotlight a un curseur un peu poussé et on s'intéresse encore plus à elle que les versions précédentes. François Alquier, cette manière d'écrire ce texte-là, pour le coup, c'est Plamondon. Là, c'est Plamondon sans discuter, là. Parce que non, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que Michel Berger a mis du temps avant d'accepter le texte original, parce que c'est quand même aussi son œuvre, et que le mot éjacule dans une chanson, ça doit quelque part... je ne dis pas qu'il était coincé, mais bon, c'était pas le... Il n'avait pas une nature à écrire ce genre de mots. Mais moi, ce qui m'épate, en fait, c'est que quand c'est sorti en 78, personne n'a été choqué. C'est bizarre vrai. Quand même, parce que on trouve presque plus choquant aujourd'hui ce mot-là qu'en 78. Donc, je sais pas, je trouve que ça dit quelque chose de notre société. On était plus tolérant avant. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'underground café. Son arrivée, cultiver ses tomates. La complainte de la serveuse automate, chantée par Fabienne Thibault dans la version de 1978. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je continue à travailler sous terre comme un robot ou est-ce que je vais aller cultiver des tomates? Vraisemblablement, le rapport au travail n'a pas beaucoup évolué en autant de temps. Mais ça aussi, c'est hyper actuel. La question, ce qu'elle est en train de chanter là, je veux pas travailler juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. C'est la phrase de la grande démission. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui ce que... C'est le quiet quitting. C'est exactement ça. C'est chercher du sens au travail. C'est, et voilà, là aussi, on est en plein dans les réflexions de l'époque. Mais je pense que c'est ça qui fait la force de Starmania. C'est que c'est une œuvre qui est universelle et intemporelle. Elle n'est pas ancrée dans une actualité. Elle est dans l'actualité de toutes les époques. Et en même temps, ce qui est assez intéressant avec cette comédie musicale, c'est en voyant les propos et le questionnement qui existait déjà en 78 et 79, ça permet aussi d'avoir un petit peu l'humilité en 2023 en se disant il y a plein de thèmes qui étaient déjà préoccupants à l'époque. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons sûrement pas les derniers et nous ne sommes pas aussi unique ou civilisé qu'on pourrait le penser, parce que c'est simplement c'est l'humanité qui s'exprime. C'est l'humanité, et puis surtout, je crois que chacun se sent concerné par ce genre de chanson. Il n'y a pas une chanson, à part celle de Sabrina Laurie tout à l'heure, où je me sens moins concerné parce que je ne suis pas une femme, mais celle-là, par exemple, je me sens très concerné sur le mal-être des gens. On a tous traversé des périodes où on a douté, où on s'est demandé à quoi bon vivre. Enfin, là, j'exagère un petit peu, mais ça, c'est des préoccupations qu'ont tout le monde, et c'est ça le côté que Julien disait, universel et intemporel, c'est la grande, grande force de Starmania. Et François Alquier, comment s'est constitué le casting, le premier casting de Starmania? Comment on a décidé d'aller chercher un Daniel Balavoine d'un côté, une Fabienne Thibault de l'autre? Et est-ce que ça s'est fait en totale équité au niveau français et canadien? Ah oui, 50%. De toute façon, c'était avec Plamondon et Berger, c'était dit on prend 50% d'artistes québécois et 50% d'artistes français. Bon, pour Balavoine, par exemple, c'est connu, c'est France Gall qui regardait avec Michel Berger une émission de variété où il a chanté Lady Marlène, qui est une grande chanson de Daniel Balavoine, où il a pu exposer ses tonalités vocales de manière complètement dingue. Et France Gall dit: mais tu cherches Johnny Roquefort, voilà un interprète, quoi. Bon, Michel Berger, au début, il dit: mais tu as vu un petit peu comment il est physiquement, ça colle pas avec un zonard. Un zonard, c'était les voyous de Starmania. Et puis finalement, ils se sont rencontrés. Oui, parce qu'on lui reprochait d'être un petit peu potelé. Un petit peu potelé, ouais. Il mangeait beaucoup de sandwichs et tout. Il faisait pas gaffe à son physique, il s'en foutait, quoi. Mais du coup, bon, il avait une telle voix que finalement, il a accepté. D'ailleurs, parce qu'au départ, Balavoine n'était pas non plus surmotivé pour participer à Starmania. Lui, c'était plutôt un solitaire. Et puis, mais il était déjà politiquement très engagé. Oui, il a toujours été, puisque oui, il a toujours été quelqu'un de très, oui, pour l'utiliser, de gauche, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça le mot. Oui, c'est ça. Pardon. C'est quand même toujours bizarre de recevoir un coup de téléphone pour être invité à participer à une aventure pareille. C'est toujours quelque chose d'étonnant. Puis on s'habitue vite quand même, ne serait-ce que de par le plaisir, on s'habitue quand même assez rapidement. On s'habitue moins vite au personnage parce que c'est vraiment pas mon style, en fait, finalement. J'étais obligé de chanter des chansons pour la première fois de ma vie. J'avais fait des disques avant où je chantais mes chansons comme je pouvais. Peut-être un peu comme un choriste, des fois, un peu tristement. Allons. Et puis, non, c'est vrai. Et puis, finalement, j'étais obligé de chanter des chansons écrites par quelqu'un d'autre, qui m'était non plus jamais arrivé. Et on se dit quand même, faut pas que j'ai l'air trop bête. Faut peut-être que j'y mette un peu d'énergie. Mais finalement, il y a eu un contact assez silencieux. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un contact assez silencieux. Tout le monde se regardait plus ou moins en disant comment il va chanter en arrivant, comment l'autre va chanter. Ça, c'est dans sa tête que ça se passe. Si, non, je crois que c'est un peu comme ça, mais avec un regard bienveillant. Choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle. J- Julien Baldacchino, est-ce que l'arrivée de Daniel Balavoine dans le casting a changé des choses sur la conception de Starmania? Est-ce qu'on a écrit des chansons plus spécifiquement parce qu'il a un type de voix qui est très particulier, il est capable de monter très très haut en partant de très très bas. Donc est-ce que ça a changé quelque chose dans l'écriture? Bah, ça a donné naissance à une des chansons, peut-être les qui sont le plus passées à la postérité et qui ont le plus été décollées de Starmania, qui est le SOS d'Intérieur en détresse, qui a été écrit pour l'amplitude vocale de Balavoine, cette montée du « j'ai jamais eu les pieds sur terre », j'ai pas voulu faire. Oui, on l'entendra voilà. Tout à l'heure. elle est faite sur mesure pour Balavoine, donc avec une pépite vocale comme celle-là, Michel Berger ne pouvait pas ne pas l'exploiter, ou en tout cas ne pas la magnifier avec une chanson comme celle-là. Et la personnalité de Daniel Balavoine a toujours été entière, hein. On voit qu'il savait très très tôt ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas aussi. Et tout d'un coup, il se retrouve comme ça, obligé de la jouer collectif, avec des stars comme France Gall, qui sont déjà des idoles. Lui, c'est un petit peu le petit nouveau. Comment s'est fait cette rencontre? Parce que France Gall et Daniel Balavoine... On le sait, ça a été une histoire d'amitié terrible aussi. Oui, bien sûr, qui a débuté par celle de Michel Berger. Et France Gall s'est greffée dessus, puisque c'était la femme de Michel Berger. Non, mais je pense que Daniel Balavoine, il a beaucoup apprécié, comme il le vient de le dire. Au départ, bon, il n'est pas surmotivé, comme je le disais. Et puis après, bon, il s'est habitué à ça. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il n'était pas connu quand il a commencé Starmania, sauf qu'est arrivé le chanteur qui était son premier succès, et que du coup, pendant... ses prestations au Palais des Congrès, bah, il avait aussi une deuxième vie de chanteur qui marchait avec le chanteur. Pardon pour... Pour ce mot, mais donc c'était quand même un peu bizarre comme période pour Daniel Balavoine, parce que il devait faire sa promo pour chanteur le soir, jouer avec ses collègues de Starmania. C'était bon, je pense que d'ailleurs il a supporter Starmania, je pense, grâce à ça. Parce qu'il avait aussi le fait d'être connu pour sa chanson à lui. C'était le début de sa gloire, en fait. Eh bien, on parle d'SOS, un terrien en détresse, de Daniel Balavoine dans sa version de 1978. Eh bien, je propose qu'on l'écoute de suite. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau vu d'en haut. D'en haut, j'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Grand loto de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. Je crois capter les ondes SOS d'un terrien en détresse par Daniel Balavoine en 1978. Je crois que le sujet de Starmania, finalement, c'est la décadence du XXe siècle, la décadence du monde occidental, enfin, je sais pas, c'est beaucoup ça. Enfin, le sexe symbole dans Starmania, c'est le dernier des sexes symboles. Le businessman, c'est l'homme le plus riche du monde, qui devient, à la fin du show, il devient président de l'Occident. Il y a Johnny Rockford, qui est un zonard, qui lui devient un chef terroriste. Au départ, c'est un petit zonard qui vient tout casser dans la ville le soir, gratuitement, mais qui devient finalement, par sa rencontre avec Sadia, qui est une révolutionnaire, genre fille à papa intellectuel de gauche, qui le politise et qui en fait un chef terroriste. C'est un peu Bader et Ulrike Meinhof, si vous voulez. C'était la spotlight, c'est un peu, si on veut, Marilyn Monroe ou Marlene Dietrich. Et 0 janvier, le businessman politicien, c'est quelque chose entre Hitler et Carter. On entend France Gall qui interprète « Besoin d'amour » dans la version de 1979 de Starmania. Et juste avant, on a entendu Luc Plamondon qui a expliqué l'inspiration des personnages de Starmania. Julien Baldacchino, comment a été reçu par le public de l'époque ce premier album et ensuite ce premier opéra rock en 1979 ? Le premier album, au début, il marche pas. Il se vend pas parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de comédies musicales à l'époque. Il y a eu La Révolution française quelques années plus tôt. Il y a eu R, mais qui était une adaptation au début des années 70. Donc on n'est pas habitué à ça. Et donc là, on a un concept album qui s'appelle Starmania ou La Passion de Johnny Rockford selon les évangiles télévisés. C'est un ovni, ça se vend pas. Et puis Luc Plamondon et Michel Berger acceptent la proposition d'une productrice de télé qui dit venez chanter les chansons de Starmania sur Antenne 2. Et donc ils se disent on va faire ça, et puis si ça se trouve c'est la dernière fois qu'on chantera ces chansons-là devant un public parce que ça ne marchera jamais. Ils le font, et dès le lendemain, grâce aux Uns contre les Autres, qui se vend en 45 tours, là, ça devient un succès. Et puis après, il y a une deuxième étape, c'est qu'il faut faire un spectacle. Donc, ils écrivent les petites chansons qui vont entre les grandes chansons qu'on connaît. Ils font venir un scénographe des États-Unis. Ils font venir un scénographe et metteur en scène des États-Unis qui a travaillé sur des spectacles comme Jésus-Christ Superstar, qui est vraiment un habitué de Broadway. Et il crée un spectacle qui, lui aussi, est un ovni. En 79, avec une scène inclinée qui s'ouvre en forme d'éclair, des écrans télé partout, un orchestre sur scène, c'est au Palais des Congrès de Paris, donc c'est une très grande scène. Et là aussi, au début, ça a du mal à percer. Les premières critiques de la presse sont pas excessivement positives. Avant que le spectacle commence, ça a un peu de mal à se vendre parce que les gens se demandent un peu ce que ça va donner. Et finalement, c'est une fois que le spectacle est lancé, que le bouche à oreille va faire que ça va remplir. C'est d'ailleurs la même chose qui s'est passée en 2022. Ça remplissait pas avant que ça commence. Et à partir du moment où ça a commencé, ça a été complet tout le temps. Mais il y a eu cette attente à chaque fois de qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et on attend que ça commence pour acheter, écouter, aller voir le spectacle ou pas. Et François Alquier, les répétitions n'ont pas été de tout au repos parce que justement ce scénographe est arrivé avec son équipe d'Américains, de danseurs, oui, avec des histoires de coucherie entre... Il a emmené un décorateur. un décorateur, pardon, et avec qui il sortait, donc. Et en fait, ils se sont gueulés tout le temps. Enfin, c'est des histoires. Et puis, il y avait des histoires de coucherie à droite, à gauche, là-dedans. Enfin, je parle pas des grands interprètes, hein, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient pas super bien. Et notamment, ce que je racontais tout à l'heure, c'est la différence culturelle entre les Québécois et puis les Français, quoi. Donc, il y avait quand même des choses qui se passaient pas très bien, même sur la porte de la loge de France Gall, il y avait des insultes, par exemple. Bon, oui, parce que comme elle était la compagne du compositeur, elle avait forcément une sorte de de traitement de faveur qui faisait qu'il y avait certains trucs qu'elle disait « je fais pas ça ». Et elle en jouait, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où il fallait qu'ils soient tous ensemble à faire des choses un peu aussi particulières, hein. Je crois qu'il y avait Oui, parce qu'il faut parler de ce gourou, le gourou de la première version, qui est revenu d'ailleurs dans la version 2022, qui en fait est un gourou de gauche, écolo, mais aussi adepte des parties fines, où on s'envoie en l'air avec ses adeptes, etc. Donc il y avait vraiment un côté... Oui, il fallait qu'ils se collent les uns contre les autres, si je puis dire. Et France Gall ne voulait pas faire ça, évidemment. Donc ça vexait les autres, et puis c'était pas très cool de sa part de pas jouer le jeu comme tout le monde, quoi. Oui, donc ce chorégraphe, trois jours avant la première, il se fait virer. Il se fait virer, et c'est un chorégraphe français qui le remplace. Et tout s'est mieux passé, d'après ce que je sais. Et alors, le reste est rentré dans la postérité, mais là où effectivement on passe encore un cap, c'est que Starmania revient en 1988 dans une version différente. Et Julia Balecchino, quelles sont justement les singularités de la version de 88 par rapport à la version de 79? Alors elle est considérablement réduite. Le spectacle original de 79 dure 2h20, je crois, à peu près. Là, ils veulent faire un spectacle d'1h45. Donc, ils réduisent l'histoire du spectacle. Il y a un personnage qui disparaît, le fameux gourou marabout disparaît de l'histoire. Il y a des chansons qui sont raccourcies. Globalement... Il n'y a même pas d'interchanson. Voilà, on enlève en fait plein de petites choses qu'il y avait entre les chansons. Il y avait des personnages secondaires, il y avait les parents de Crystal qui à un moment intervenaient sur le mode d'un témoignage télé. Eux disparaissent, les clients de l'Underground Café qui avaient leurs petites chansons disparaissent aussi. Et il y a plein de choses comme ça qui sont enlevées pour simplifier l'histoire. C'était un des reproches qui avait été fait à la première version d'avoir une histoire qui était un peu brouillon, en tout cas une dramaturgie qui partait un peu dans tous les sens. Donc Berger et Plamondon décident de reprendre le spectacle, de le condenser. Ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus pour des versions québécoises qui se sont jouées dans les années 80, mais qui sont vraiment restées au Québec. Et la version avec laquelle ils arrivent à Paris en 88 est une version avec une mise en scène réduite aussi, qui se joue dans un format plus théâtre. Ça va se jouer au Théâtre Marigny, au Théâtre de Paris, à Mogador, donc dans des formats plus petits. Ça va plus ressembler à un concert mis en scène. Il y a quand même des musiciens, mais qui sont cachés derrière la scène. Cette scène, c'est une scène à étage, assez minimaliste, avec des costumes assez simples. C'est beaucoup plus sobre. Et ils apportent une lecture différente, je pense. Plus années 80, en fait, de Starmania, et plus dans une sorte de froideur. Oui, de cuir noir. Voilà. Avec de ce que sont les années 80, ouais. Il y a un côté un peu Mad Max. Alors, il y a des prémices de côté, oui. Mad Max qui vont être poussées à fond, oui, à dans fond la décennie sur suivante. La version 93. Mais cette version-là, elle commence à poser effectivement un petit peu de cuir, un petit peu de rock. Le personnage de Ziggy, qui voulait être un danseur de rock, veut être maintenant un batteur de rock. Donc, il y a une batterie à un moment qui sort de scène. Ça, c'est parce que René Hanson, qui jouait Ziggy, est aussi batteur. Ouais. Oui, donc il fait son petit morceau. C'est un Ziggy plus masculin. Oh ouais, c'est d'ailleurs très bien le résultat. Donc voilà, il y a plein de petits ajustements comme ça, ce qui fait que la version de 88, elle est très différente. Le personnage de Roger, dont on n'a pas encore parlé, qui est le présentateur des infos et aussi celui qui finalement assure le suivi de l'histoire, le récit. Le coryphée, exactement. Ça devient presque un robot. C'est encore un personnage humain qui l'interprète, ça va s'arrêter peu de temps après, mais il glitch, il bégaye, souvent il bute sur des mots, il a a une perruque en plastique, il a un costume trop grand pour lui. Et ce personnage-là, voilà, il est profondément ancré dans les années 80. Oui, Max et Drôme, on pense à Max et Drôme. Tout à fait. Oui, oui. Et alors, il y a aussi un autre changement, c'est que le gourou disparaît, mais donc l'opposant politique de Zéro Janvier, il n'y en a plus. Donc ça devient un débat où il n'y a qu'un seul candidat unique. Mais surtout, plus encore que des changements dramaturgiques, il y a eu la disparition de Balavoine. Oui, Qui du coup a eu un impact quand même énorme, j'imagine, sur la manière de reprendre ce spectacle. Oui, oui, effectivement, d'autant plus que sa compagne, Danielle Balavoine, était l'attachée de presse de Starmania, donc il y avait une ambiance un peu particulière, et c'est vrai que l'ombre de Danielle Balavoine planait vraiment sur cette deuxième version. On rappelle qu'il est décédé en 1986, et que le deuxième Starmania, c'était en 1988, donc forcément, il y avait le fantôme de Danielle Balavoine dans les coulisses et sur scène. Ça, c'est une certitude. Oui, ça a beaucoup joué. Mais je pense pas que ça ait changé en matière. Enfin, ça n'a rien changé au spectacle, mais à l'ambiance générale, je pense. Oui, parce que c'était une amitié très très forte entre lui et Berger. C'était son meilleur ami. Hein. Donc, puis il a été très très très choqué, éprouvé par cette disparition. Ils s'en sont jamais remis, d'ailleurs. Et alors, il y a une anecdote, on repart un tout petit peu en arrière, hein. Pardonnez-moi, ce n'est pas chronologique, mais mon cerveau fonctionne ainsi. Il y a notamment ce chanteur québécois, Monsieur Dubois, qui est sur l'album de 1978, et qui, en fait, disparaît, et puis va revenir de manière sporadique dans l'histoire de Starmania, mais qui lui aussi a eu un parcours assez intéressant, Julien Beltekino. Disons qu'au moment où le disque doit devenir un spectacle, il est retenu au Québec pour de petits problèmes judiciaires liés à la possession de stupéfiants et que donc il ne peut pas jouer dans le spectacle en France. Et donc il est remplacé. Il va même faire de la prison. Il a fait de la prison. Il est remplacé par un acteur et chanteur français qui s'appelle Étienne Chicot qui reprend le rôle de Zéro Janvier sur scène. Mais Claude Dubois a effectivement repris de temps en temps en tant que doublure le rôle de Zéro Janvier dans quelques représentations. Je crois que c'est la dernière version, enfin celle de 1980. 92, hein, je crois. C'est aussi dans celle de 88. Ah bon, il y a d'accord. Des archives où il chante dans le costume de Zéro Janvier en 88. Et dans cette version de 88, on voit aussi apparaître une autre chanteuse qui sera bientôt une star en France, qui s'appelle Morane. Et Morane, elle joue le rôle de Marie-Jeanne et elle va être extrêmement marquée par ce rôle qui est difficile à porter, on l'a pas dit, mais Marie-Jeanne, c'est à la fois le personnage qui est le plus observateur, mais c'est aussi celui qui a les chansons les plus dures, et c'est celui qui, pendant tout le spectacle, chante son mal-être. Et quand on est une chanteuse, et que tous les soirs sur scène, on doit chanter ses textes très fort. Oui, parce qu'elle est amoureuse de Ziggy. Alors, Ziggy, ça n'est pas véritablement son nom, mais c'est le pseudo qu'il a choisi parce qu'il est fan de David Bowie. Et donc, il a décidé de s'appeler Ziggy, comme le personnage de David Bowie, Ziggy Stardust. Elle est amoureuse de Ziggy. Vous connaissez tous et toutes la chanson, mais Ziggy, il aime les garçons, donc il s'intéresse pas à Marie-Jeanne. Et donc, tous les soirs, elle doit chanter cette déconvenue amoureuse et ce regard d'un narrateur qui voit une société et tout son environnement s'écrouler. Et c'est, ça finit par peser sur son moral. Et en fait, Morane s'arrête assez rapidement après le début de Starmania. Elle ne peut pas continuer à jouer le rôle de Marie-Jeanne. Pour être plus précis, elle a même planté deux fois en une semaine. Le spectacle commence et elle n'est pas là. À moins 5, personne. Et en fait, elle était sous-cachée chez elle et elle dormait, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de doublure, en plus. Et c'est ça qu'a fait jurisprudence. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a personne qui remplaçait un rôle principal. C'était, la soirée se plantait, quoi. Et donc, du coup, ils ont maintenant, dans toutes les autres versions et dans les autres spectacles aussi, il y a des doublures. Mais ça, c'est vraiment grâce ou à cause de Morane. Non, mais Morane, elle a très, très mal vécu, Starmania, vraiment. En plus, elle était en période, elle aussi, de promo, hein, comme Balavoine. Donc elle était à droite, à gauche tout le temps, elle était fatiguée. Elle dormait et puis, plus. Voilà, elle dormait plus. Et puis bon, au bout de la deuxième fois où elle a planté le spectacle, Berger et Plamondon ont dit bon, bah, on prend quelqu'un d'autre. Et c'est Réjeanne Perry, hein, c'est ça. Oui, c'est Réjeanne Perry qui l'a remplacée. Qui l'a remplacée. Qui est décédée un peu plus tard d'un cancer aussi. C'est ça. Et qui racontait qu'au début, elle a vraiment repris le rôle du jour au lendemain. Marie-Jeanne, dans cette version-là, lit de temps en temps le journal et qu'elle avait les paroles planquées dans le journal pour être sûre de ne pas se perdre. Mais elle a quand même réussi ce tour de force de reprendre le rôle en un jour. Tout le monde l'a félicité parce que c'était comment dire, t'arrives sur un spectacle comme ça du jour au lendemain, c'est quand même compliqué. Les producteurs sont évidemment tombés sur le dos de Morane très rapidement. Pour les assurances, etc., tous les frais engagés. Et c'est parce que le médecin a témoigné que Morane avait une tension, elle était à 7. Qu'elle était incapable de poursuivre l'aventure. Et c'est pour ça qu'en fait, elle n'a pas pu être poursuivie, mais la carrière de Morane aurait très bien pu s'arrêter là si jamais ça avait été poursuite judiciaire. C'est un burn-out. Ce qu'elle a fait, plus ni moins qu'un burn-out. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est un petit peu plus sensibilisé chez les artistes, parce que beaucoup d'artistes ont parlé de ce mal-être, parfois d'être sur scène sans relâche. Voilà, aujourd'hui, on y est habitué, mais à l'époque, à la fin des années 80, c'est beaucoup moins commun. Oui, et il faut vraiment que les auditeurs se mettent, parce que ça paraît toujours très simple d'entendre des musiciens jouer de leurs instruments, chanter, des artistes jouer deux, trois fois la même pièce sur la même journée, mais ça, plus les répétitions, plus la promo, plus l'investissement physique et mental que ça exige. Oui, la pression aussi. Voilà, jouer, et puis la pression, l'argent que ça génère, ça n'est pas facile. Si vous imaginez une seule seconde que c'est simple, c'est faux. C'est un métier. C'est un métier. Et Thomas Joly, qui a mis en scène la version 2022, a une façon très juste de le dire, ce sont des athlètes de la chanson. C'est-à-dire qu'on peut tous faire un sprint pour aller attraper le bus, comme on peut tous chanter « Besoin d'amour » sous la douche. Mais par contre, le faire tous les soirs, 7 fois par semaine, parce que là, la version actuelle, ils jouent quand ils sont à Paris, 7 fois par semaine. Certes, il y a des doublures, mais il faut quand même une forme physique et une forme mentale, un tonus qui n'est pas négligeable. C'est un vrai métier, le métier de chanteur, de musicien, d'artiste. Et vous l'avez très bien dit, c'est justement la noirceur aussi que porte le personnage de Marie-Jeanne qui a pesé sur Morane. Mais c'est une noirceur qui est également dans Starmania. Et étonnamment, il y avait un personnage qui permettait d'alléger la fin, qui permettait d'être une touche d'espoir, qui était le personnage de l'extraterrestre, qui en fait permettait de tout relativiser dans l'histoire de Starmania, et qui a disparu, ou qui s'est plutôt dilué dans certaines chansons de Johnny Rockford sur le regard distancié quand il meurt. C'est tout à fait ça. Ils ont attrapé des bouts de bouts de chansons pour les rajouter à d'autres chansons, quoi. Et c'est René Joly qui tenait ce rôle-là sur la première version, la version 78 de Starmania. Et ensuite, pour le spectacle, ils ont décidé de ne pas le reprendre comme extraterrestre, mais comme présentateur, en fait. Et lui, il a été vraiment blessé énormément par ça. Pour ce livre-là, je l'ai rencontré et je crois qu'il ne s'en est toujours pas remis, quoi. Il a trouvé que c'était une trahison de ne pas avoir tenu le rôle de l'extraterrestre. Et c'est un vrai, une vraie question de fond, parce que paradoxalement, c'est lui qu'on entend le plus, puisqu'il est dans tous les petits récitatifs entre les chansons. Mais il tenait à ce rôle de l'extraterrestre et à ce que ce rôle disait, parce qu'effectivement, la fin de Starmania était un petit peu un space opéra où on avait un extraterrestre qui débarquait sur Terre et qui disait « Mais regardez-vous, regardez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous venez de faire. Rendez-vous compte que dans l'univers, vous êtes rien, vous êtes tout petit. » Et il y avait cette morale de l'histoire qui est toujours revenue d'une manière ou d'une autre, mais jamais avec cette dimension spatiale à laquelle... Moi, je pense que Luc Plamondon tenait un petit peu à cette dimension-là, parce que quand il a fait un spectacle un petit peu plus tard, au début des années 2000, qui s'appelle Cindy Cendrillon 2002, qui, lui, n'a pas été un succès, ça se termine comme ça. Ça se termine avec une fusée qui décolle vers l'espace, alors qu'on n'en parle pas du tout pendant tout le reste du spectacle. Mais il y a ce côté très spatial, vraiment space opéra de la fin du spectacle. Oui, alors que dans la version de 88, on termine quand même avec la voix de principalement de Morane et avec ses paroles très lourdes de sens. Depuis 1988, c'est le Monde des Stones, effectivement, oui, qui conclut le spectacle sous forme d'annexe. C'est-à-dire qu'il y a une fin avant qui change à chaque fois. Parfois, c'est l'arrestation de Johnny Roquefort et la mort de Crystal fusillé par les soldats. Parfois, c'est même une version où c'est Zéro Janvier lui-même qui tue Crystal. C'est jamais un happy end. C'est jamais un happy end. Globalement, Starmania, c'est pas la grosse marade bout en bout. Mais voilà, il y a toujours une fin de l'histoire et une sorte de morale qui est apportée par Marie-Jeanne qui vient chanter Le Monde des Stones. Mais ça m'a toujours fasciné, cette histoire-là. Effectivement, les chansons sont glauques, tristes, et pourtant, les gens adorent ces chansons-là. Nous sommes français. Mais c'est ça qui est fou. Le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde, c'est notre comédie musicale. Elle est au diapason de ce qu'on est. Exactement, tout à fait. On parlait de morale. Il n'y a qu'un pas pour parler de Morane. Merci, c'est Julien Balekino. Merci Bravo. Beaucoup. C'est un métier. Vous avez raison, tout est un métier. Et on va l'écouter nous interpréter les uns contre les autres. On dort les uns contre les autres. Frédéric Sigrist. Les uns contre les autres, interprété par Morane dans la version Starmania de 1988. François Alquier, ce Starmania-là a eu énormément de succès et notamment avec des spectateurs prestigieux. Oui, je vois où vous voulez en venir. Mais voilà, notamment un certain monsieur Mitterrand. D'abord, monsieur Mitterrand était très très accroché à une des participantes de Starmania, c'est Sadia, jouée par Vanta. Et je lui avais un petit coup de cœur. Donc voilà. Qu'il a envoyé bouler sévèrement la première fois qu'il est arrivé en retard, il n'avait pas entendu sa première chanson. Exactement, il est arrivé, il pouvait pas arriver en même temps que tout le monde, c'était quand même un homme politique émanant. Et donc bon, il arrivait toujours à la deuxième chanson, sauf que quand dans les coulisses à la fin du spectacle, il a parlé à Vanta, lui a dit "Ah, excusez-moi, j'ai pas écouté votre première chanson qui est travestie, hein, je crois." Non, là oui, c'est ça, oui, c'est travestie. Et du coup, elle l'a vraiment presque engueulé sous le regard des producteurs en se disant mais elle est folle quoi. Et puis voilà, bon, et puis quand même après ils sont comment vous dire voilà, il y a eu une forte amitié entre eux. Elle allait déjeuner avec lui de temps en temps à l'Élysée, etc., mais jamais rien eu entre eux, mais voilà, une belle amitié. Oui, parce qu'en plus elle lui a dit très rapidement, elle lui a parlé de son fiancé parce qu'elle-même craignait, voilà, que ça soit une sorte de plan drague du président. Ouais, elle lui a offert alors un jour ils mangeaient ensemble donc à l'Élysée, il lui dit attendez, je vais vous rapporter quelque chose. Et donc elle avait peur que ça soit une bague ou quelque chose comme ça, mais en fait c'était je crois une truffe venant de je sais plus quel coin, et elle a été rassurée quoi. Et il y a également eu le prince Charles et Lady Di qui ont eu droit à une sorte de version raccourcie de Starmania à l'Élysée. Très raccourcie, ouais. Alors bon, l'anecdote est connue. La princesse de Galles n'était pas au meilleur de sa forme. Je crois qu'elle s'entendait plus du tout avec le prince Charles. Donc elle a fait la gueule toute la soirée. Et elle avait l'air de s'ennuyer comme c'était pas possible. Et du coup, ça faisait une ambiance un peu particulière, même pour les chanteurs comédiens, quoi. C'était vraiment un peu glacial même. Hein, Julien ? Ah bah oui, c'est effectivement le souvenir que tout le monde a de cette soirée-là, c'est le sentiment, au-delà d'ennui, de profonde tristesse ce jour-là de Lady Di. Mais ce qui est assez intéressant dans le parcours de ces différents chanteurs, c'est de voir aussi la relation qui s'est tissé avec le public français. Il y a une personne dont on n'a pas parlé dans la version de 1978 qui est Nanette Workman, chanteuse incroyable avec une voix incroyable, mais qui en fait elle n'a pas eu les honneurs de la presse et de cette version parce que, et ça je trouve que c'est hyper intéressant dans l'histoire de la variété française, elle était considérée par le grand public comme responsable de la fin du couple Johnny-Sylvie. Ah oui, parce que en fait, c'est un peu vrai, hein, parce que bon, ils ont vécu une aventure qui a quand même duré, je pense, plusieurs mois. Ouais. Et puis Sylvie Vartan, apprenant ça, bon, c'était pas la première fois que Johnny Hallyday faisait ça, donc elle en a eu marre. Bon, c'est la responsable, ok, mais bon, pas l'unique responsable. Et c'est vrai que du coup, les gens lui en ont voulu. C'est très très curieux parce que d'abord moi je l'ai appris sur le tard, ça je savais pas ça, et c'est voilà, bon, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Non mais c'est en fait ce que ça raconte par là, c'est que derrière Starmania il y a effectivement quelque chose de très français et aussi une histoire de la variété française mais évidente, c'est-à-dire que Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine, donc en filigrane Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Nanette Workman, etc. Là pour ce Starmania 1988, c'est Morane, il y a François Mitterrand qui apparaît, Lady Di, c'est-à-dire que c'est aussi Starmania un marqueur de l'époque, d'un contexte de personnalité qui est assez fort. Et ensuite, il y a cette version, ce Starmania à l'international, Tycoon, où Michel Berger compose un album avec des stars très très connues, et notamment une chanteuse québécoise avec qui il a sympathisé. On l'écoute. Zinky, they call him Zinky. I'm so hurt for him. And when I saw him that first day, I went and gave myself away. Oh, so indiscreet. Oh, but he was sweet to me. 4 a.m., he's here by my side, talking, laughing, and making friends, making fun of me too. Tense. Allez-y, Julien. Je disais que Starmania, c'était une histoire en creux de la chanson française. La personne qui, en ce moment, fait les arrangements et la direction musicale de la version actuelle s'appelle Victor Lemann, et c'est quelqu'un qui travaille avec tous les artistes et tous les interprètes de la chanson française actuelle, de Juliette Armanet aux membres du groupe Justice. Et voilà, c'est, il y a la patte musicale d'aujourd'hui. Globalement, sur tous les 40 ans d'existence de Starmania, il y a des points de convergence avec le reste de la variété française partout. Parce qu'il y a aussi Tom Jones qui a travaillé sur la version Starmania anglaise, donc Tycoon, mais également, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est un titre que tout le monde a entendu dans les galeries marchandes, dans la voiture, un peu partout, interprété par Cyndi Lauper, sans réaliser que c'était, les plus âgés le savaient, mais que c'était vraiment une chanson de Starmania. On l'écoute. C'est une réappropriation par Cyndi Lauper qui est incroyable. Au point que Cyndi Lauper a posé ses conditions pour chanter la chanson. Elle a dit « Ok, je reprends ta chanson, mais je fais la prod et je fais les arrangements. » Et donc Michel Berger, pour la première fois, a accepté de lâcher la partie production du morceau. Et donc ça devient vraiment un morceau de Cyndi Lauper. C'est le seul sur l'album Tycoon qui ne soit pas du tout produit par par Michel Berger et ses équipes. Et ce qui est rigolo, c'est que quand donc Tycoon, c'est en 92, quand en 93 le spectacle revient en France, l'arrangement du Monde est Stone est en partie inspiré par de l'arrangement de Cyndi Lauper. Alors, une version de 93, le roi de la transition, Julien Bellacchino, et qui n'a pas eu les faveurs de France Gall, c'est le cas de le dire. Elle est partie pendant la première. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est, pardon, je ne voulais pas interrompre la question. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je voulais vous faire dire ça. C'est-à-dire que, voilà, version qui a même tendance à vouloir être effacée des mémoires. Désormais, c'est très difficile de retrouver des éléments sur la troisième version. Les disques sont pas sur les plateformes. Quand il y a des rééditions, d'ailleurs, c'est première et deuxième version. Effectivement, quand on lit l'histoire de Starmania sur le site officiel de Starmania, par exemple, la version de 93 est évoquée. Elle n'est pas effacée, mais rapport à la durée d'exploitation du spectacle qui a été de 93 à 2001, ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme, finalement, elle est, voilà, on passe dessus. C'est un vrai traumatisme, cette version-là. C'est aussi la version de juste après la mort de Michel Berger. Donc il y a quand même à ce moment-là quelque chose de très particulier dans le spectacle qui se fait sans un de ces deux créateurs. Luc Plamondon est beaucoup plus à la manœuvre que France Gall à ce moment-là. Et quand France Gall découvre le spectacle, c'est une vision où le curseur est encore poussé. On va encore plus loin dans le côté Mad Max, comme on disait tout à l'heure. Il y a du cuir, il y a des allusions sexuelles qui sont beaucoup plus claires qu'avant. C'est un spectacle et qui a aussi énormément divisé les fans. Il y a des gens qui adorent la version 93-2000 qui ne jurent que par celle-là. Il y a des gens qui la détestent. Donc c'est vraiment une version qui a cristallisé tout un questionnement sur ce que devait être Starmania et sur ce que ne devait pas être Starmania. Et je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question-là. Mais qui est resté un traumatisme jusque, je pense, jusqu'au soir de la première de Starmania en 2022. Et cette version 2022, on la doit à Thomas Joly. Starmania en 79, c'était la dystopie. C'était une projection pessimiste de notre humanité et dans le futur. Et force est de constater que la réalité a rattrapé la fiction. Et que Luc Plamondon, pour le coup, a été vraiment visionnaire, voire prophétique, hein, puisque Bah, par exemple, Starmania, c'est le nom d'une émission pour devenir star. Et ça y est, il y en a beaucoup. L'information, enfin, les chaînes d'infos en continu, jusqu'au même l'attentat du 11 septembre 2001, parce qu'on est la première mise en scène post 11 septembre 2001. Et la fin de Starmania, c'est un attentat sur la plus haute tour de l'Occident. Donc, il y a beaucoup de choses stupéfiantes. La question du genre, la question de l'écologie, la question du terrorisme, la question des montées des nationalismes. Enfin, beaucoup, beaucoup de sujets. Pour enrayer la nouvelle vague terroriste, nous prendrons les mesures extrémistes. Nous imposerons le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi. François Alquier, on voit sur 40 ans une réinvention, sans en être une véritablement, de Starmania qui revient toujours, tel le phénix. Comment on explique ça en conclusion? On en a parlé un petit peu hors antenne, mais pour vous, Starmania, ça représente quoi? Quel est le rapport que ça a avec les Français? Eh ben, ça représente en fait la vie des Français, tous ces souvenirs que nous rappellent ces chansons, tous les gens qui ont chanté. Et par contre, je reviens là-dessus parce que je crois que c'est important à dire. Sur la dernière version, il n'y avait pas de personnalité très connue en fait. Hein. Il n'y avait pas de chanteurs qui sont sortis de la troisième version. Et Julien a expliqué un petit peu pourquoi, le traumatisme, etc. Mais en fait, même dans la nouvelle version hein, que vous avez vue, qu'on a tous vue. D'ailleurs, autour de cette table, il n'y a pas de vedettes. Parce que je crois que maintenant, les vedettes, ce sont les chansons. Et elles dépassent les interprètes. Et ça, c'est un truc qui fait que Starmania a toujours fait l'unanimité de tout le monde, quoi. Enfin, il me semble. Hein. Julien Balacchino. Le casting de la version 2002 a été tenu secret jusqu'au jour de la première. 2022. De la version 2022, oui, pardon. Jusqu'au jour de la première, parce qu'il y avait ce souci que les gens ne viennent pas pour voir tel ou tel artiste qu'ils aimaient bien, mais pour voir un spectacle. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. En 93, on pouvait dire qui il y allait y avoir dans le spectacle. Ça, c'était des noms, ça parlait pas forcément. Aujourd'hui, on vous donne une liste d'artistes, vous allez googler tout le monde, vous tombez sur les vidéos YouTube de l'un, de l'autre, et vous vous faites une idée qui n'est pas une idée exacte de ce que sera l'interprète dans le spectacle. Donc ça a été énormément critiqué, cette volonté de cacher le casting avant la première, mais en fait, elle se comprend parce que effectivement, quand on veut que ce soit un spectacle et une histoire et des chansons qui soient mises en avant, bah, il faut effectivement que le public arrive frais devant ça. Eh bien, je pense que, de mémoire, on a rarement fait, de manière musicale, un blockbuster aussi caractéristique que Starmania. Et je vous remercie, Julien Baldacchino, François Alquier, de l'avoir évoqué avec nous. Merci également à Marion Lelay, qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et à la technique aujourd'hui, Florian Dorimini. Merci à vous. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter directement avec moi sur le hashtag BlockbusterEFI. Et on se retrouve dans la prochaine émission pour parler d'un sujet totalement différent, un jeu vidéo qui lui aussi a fait parler de lui, des fois en bien, des fois en mal, le jeu vidéo Genshin Impact. Blockbuster est un podcast original de France Inter.